Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Aujourd'hui dans Freaks et Merveilles, je reçois un guerrier du self-love qui arme son corps et son esprit pour danser joyeusement les luttes et la libération des cœurs et des culs. Sourire aux lèvres et poings levés, tresses clinquantes et lunettes au nez, il nous montre en douceur que la radicalité n'est pas seulement importante mais hautement désirable et qu'elle fait tellement de bien. Aujourd'hui, je reçois Bissi. Bonjour Bissi. Waouh, merci Mani, c'est magnifique. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, tu m'as fait rougir là, quelle belle introduction. Moi, je galère toujours pour écrire les bios, mais il faudrait que je copie-colle celle-là. Mais tu n'es pas le premier à me dire ça, et vas-y, c'est complètement open source, tu peux te l'approprier, puisque après tout, en fait, ça te présente toi. Et justement, toi, Bissi, tu es plein de choses, mais tu es surtout pôleur. Donc tu fais de la pole, mais tu fais aussi de la pole dans le côté un peu clubbing, sexy, etc. D'où, parce que tu viens d'Allemagne, et du coup, d'où est-ce que tu viens? Comment t'en es venu à te lancer dans la pole? Ah, longue histoire, mais je sais qu'on a pas mal de points, donc je vais raccourcir. La pole, j'en fais pas depuis si longtemps que ça. J'ai commencé comme pas mal de gens pendant le Covid à la Bruxelles Arts and Pole, avec le masque et le test et tout ça. Je pense que c'était en 2021. Est-ce que tu fais partie des gens où genre, le Covid a fait un peu une espèce de, entre guillemets, de petite crise de qu'est-ce que je veux faire de ma vie et je me lance dans la pole? Ah là là, ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller dans le monde du spectacle et j'étais toujours fascinée par les arts du cirque et par les arts sensuels, le burlesque. Et c'était un fantasme depuis longtemps. Et c'est vrai que pendant le Covid, effectivement, ça faisait un petit temps que j'avais fait des recherches sur les différentes écoles. Et je me suis dit, bon, ça y est, je me lance, j'ai un peu plus de temps. Et effectivement, à ce moment-là, j'écrivais mon mémoire aussi. Donc, j'étais beaucoup, ma thèse de master plutôt. Mm-hmm. J'étais beaucoup en bibliothèque et j'avais un emploi du temps assez libre. Et besoin d'un peu mettre ton corps en mouvement. Oui, ouais, complètement. Et tu avais déjà fait justement du mouvement, de l'activité physique, de la danse ou quoi avant? Ah, alors, oui et non. donc, j'ai grandi en Allemagne, à Kassel, près de Kassel, dans un petit village, jusqu'à mes 14 ans. Et j'avais des parents très patients et beaucoup d'énergie. Pas diagnostiqué TDAH à ce moment-là, mais je l'étais. Et j'avais envie de faire plein de choses. Donc, j'ai fait la danse classique pendant quelques années. J'ai fait du tennis de table, j'ai fait du tennis, puis j'ai fait du, je ne sais plus, c'était karaté ou du judo, quelque chose comme ça. J'ai fait du hip-hop, ça c'était vraiment quelque chose. Et j'ai arrêté juste avant que je commence à être moyennement OK. D'accord. Parce que j'ai déménagé au Congo, à Kinshasa, okay. Avec mon père et mon frère à cette époque-là. Ma mère et ma sœur sont restées en Allemagne et j'avais 14 ans. Et j'ai fait du coup de mes 14 à 17 ans un lycée belge à Kinshasa. Okay. Et là-bas, il n'y avait rien d'artistique ou de culturel, en tout cas pas dans le milieu dans lequel j'étais. Soit c'était trop cher, et en plus avec mon emploi du temps où j'étais en fait beaucoup, beaucoup à l'école, j'avais pas trop le temps. Et donc j'ai complètement arrêté toute activité extrascolaire, fun, okay. dans la danse, quoi. Et du coup, t'as appris le français à Kinshasa ? Alors mon père était béninois, il était okay. francophone. D'accord. Le Bénin, c'était une colonie jusque longtemps, de la France. Donc, la langue officielle au Bénin, c'est toujours le français. Et ma mère, du coup, allemande, elle nous parlait en allemand. Donc, c'était moitié-moitié. Ma mère nous parlait en allemand, mon père nous parlait en français, on répondait D'accord. en allemand, on parlait mieux allemand que français, jusqu'au moment où je suis allée au Congo, où là, du coup, j'ai vraiment appris à bien parler français, et un français de jeune, et aussi à écrire et lire, et faire des examens et des synthèses en français. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, quand tu as quitté le Congo, tu es revenu en Belgique à ce moment-là ou à ce moment-là tu es reparti? Alors, je ne connaissais pas la Belgique, vraiment. La Belgique. En tout cas, j'étais allemand-béninoise à cette époque, avec aussi un sentiment d'identité congolais-congolaise. Et du coup, Kinshasa et le Congo, ancienne colonie belge, beaucoup de mes collègues de classe étaient des Congolais, des Congolaises. Et donc, la majorité faisait ses études en Belgique. Une partie allait aussi en Afrique du Sud, aux États-Unis, en fonction des moyens, des connexions familiales, etc. Moi, il n'y avait personne en Belgique. Je ne connaissais rien à la Belgique. Je ne savais même pas c'était quoi la capitale, pourquoi la Belgique était connue. Mais j'avais le choix soit de retourner en Allemagne, où en fait, je n'avais pas vraiment passé mon adolescence, ou la partie importante de mon adolescence, où j'étais assez déconnectée quand même, déracinée, et de tenter de faire des études là-bas, ou d'aller peut-être en France, puisque bah, je parle français, et voilà, ou d'aller en Belgique. Et en Allemagne, malgré le fait que j'avais la nationalité allemande, que je parlais allemand, que c'était mon pays, il fallait que je fasse des examens et des tests linguistiques et des traductions de bulletins, etc. Ah, oui. Plein de démarches à ton propre compte, en Afrique en plus, qu'il fallait les faire, pour peut-être pouvoir faire des études en Allemagne, parce qu'en plus, il y a des numerus clausus assez strictes, et donc j'ai fini en Belgique. Okay. Et mon prof d'économie, que j'aimais bien, M. Joris, il m'avait conseillé Louvain-la-Neuve. Et moi qui étais un peu rebelle et qui n'avais pas très envie de passer mon temps avec la majorité de mes anciens camarades de classe avec lesquels je ne m'entendais pas forcément super bien, j'ai choisi Louvain-la-Neuve parce que je me disais, je serais seule là-bas. Et puis j'ai regretté. Et j'ai fait du coup mes 3 premières années en Belgique à Louvain-la-Neuve. Ouais. D'accord. Et puis pour le master, tu es revenue à Bruxelles, enfin tu es arrivée à Bruxelles. Exactement. J'ai découvert Bruxelles et c'était l'illumination, la grande ville, le rêve. Ok, et qu'est-ce qui t'amène de ça à choisir la Pôle et la BAP? Ouf, il y a eu beaucoup de chemin. Confrontement, ouais. Mon coming out, savoir que je suis queer, avoir mes premières relations avec des personnes de la communauté LGBTQIA+, commencer à sortir, découvrir les boîtes de nuit, les clubs, la techno, les raves, les afters, les prix. Donc, rattraper beaucoup en 2 ans. Et par là, voilà, à découvrir les club kids, les gens qui dansent beaucoup en soirée, être fasciné, passer du temps, vouloir aussi avoir cette confiance, en même temps peut-être être un peu dégoûté ou confuse dans ce milieu festif où on consomme beaucoup de drogue, où j'étais pas forcément à l'aise, où je dépassais mes limites, mais j'avais pas envie de les dépasser, enfin beaucoup de questionnements. Et aussi la découverte du milieu culturel queer bruxellois avec ses festivals, ses événements. À ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de pôles, mais la première performance de pôle que j'avais vue, c'était à Nast Monique, qui a malheureusement fermé. Fermé depuis, oui. Exactement. C'était un squat hyper chouette et hyper important pendant quelques années. Ouais, ouais, c'était vraiment un des lieux alternatifs bruxellois queer que moi j'avais découvert. Et c'est là que j'ai pu voir une performance de Paul sur L'Aigle Noir de Barbara. C'était magnifique. Et après ça. Je ne sais plus qui c'était. C'était une personne queer, je pense que c'était une personne transfemme, non-binaire. Ouais. Yes. Et après ça, j'ai vu un autre show à la BAP. C'était Domi qui performait. Et après, je me suis dit, il faut que je fasse la même chose. Ok. Et donc. Fin 2020, début 2021, tu rencontres la barre de chrome pour la première fois. Et qu'est-ce qui t'a... Parce que du coup, toi, tu te spécialises un peu dans la pole plus sensuelle, floor work, spin, mais c'est toujours très dans la fluidité, le fait de bien sentir ses mouvements que d'enchaîner des figures hyper impressionnantes. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette direction-là plutôt que la direction des compètes et de la pole tout en physique? Bonne question. Ah, je pense que j'avais pas le choix. Hein. Je n'ai pas la patience pour enchaîner que des figures. Je n'ai pas le courage pour aller en compétition. Je ne suis pas quelqu'un de compétitif. Je suis beaucoup trop anxieux pour ça. Et je me compare déjà sans cesse. Je suis mon pire juge. Donc, aller en compétition, ça m'inspire pas du tout. Je pense que j'avais envie de danser comme les personnes que je suivais et que je voyais. Et pour moi, ces personnes, qu'elles soient dans un vocabulaire sensuel ou pas, dansent. Donc au final, c'est ça qui m'intéresse, c'est la danse. Si c'est sportif et technique, ça peut aussi être dansé. Il y a des gens qui ont un niveau technique super fort, qui font que du statique, qui font beaucoup de splits, de drops, des enchaînements. Mais ça reste pour moi danser à partir du moment où il y a une poésie ou une fluidité ou de la musicalité. Donc ça ne doit pas forcément être que du spin, que du sexy pour que ce soit joli. Enfin, à mon sens, en tout cas. Oui, oui, oui. Ouais, mais toi, tu as décidé vraiment... Enfin, il me semble en tout cas que dans ce que tu enseignes de plus en plus, c'est ça que tu donnes, toi, en cours. Donc, c'est ça que tu te sens le plus pertinent ou le plus à l'aise de transmettre. Ouais. Je pense que c'est juste intuitif. C'est ce qui s'est présenté à moi. Ouais. Ok, super. Et tu pratiques, parce que tu performes aussi en pôle, tu danses aussi, bah, en pôle ou sans pôle d'ailleurs. Ça, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais du coup, parce que donc tu parlais de ta découverte du milieu des raves, de la techno, etc. Et tu retournes dans cette ambiance de clubbing, mais en tant qu'artiste maintenant, plutôt qu'en tant que spectateur ou consommateur ou quoi que ce soit. Ouais, tout à fait. Donc, une fois que j'ai commencé à sortir, j'ai rencontré des gens, je me suis fait des amis. J'ai commencé en même temps aussi à avoir mon premier vrai job post-université dans une ASBL queer. Et j'ai pu organiser et participer à l'organisation de festivals qui, à cette époque, étaient populaires, qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de subsides et que ça n'intéresse plus les pouvoirs subsidiants. Mais il y avait par exemple le Hell Festival et d'autres choses de ce genre. Et dans ce cadre, bah, j'ai commencé à rentrer en contact avec des collectifs qui organisaient des soirées et des DJ, etc. Entre autres, Misfit, par exemple, et Nature Techno. Et j'ai joint ces collectifs et je participais à organiser des soirées de rave, donc avec de la musique électronique de tout style, dans lesquelles on mettait en avant les personnes sexisées, donc OK. les femmes, les personnes LGBTQIA+. Et ça, c'était super enrichissant, déjà, de faire la fête autrement et plutôt de créer des soirées. Donc j'ai fait ça pendant un petit temps. Et après, j'ai commencé à être plus intéressée par la pole, à performer aussi moi-même. Et alors, on a mélangé les soirées classiques où on va juste sortir écouter de la musique, danser avec des performances de pôle qui ont lieu pendant ces soirées-là. Et j'ai pu lancer avec des amis, des collègues, différentes soirées. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait MFX, il y avait NB Aerotrans, il y avait Boom and Boom. Et voilà, ça c'était un peu peut-être les gros événements, quoi. Ouais, donc tu as quand même organisé pas mal de choses. Et parce que oui, pour cadrer un peu, Mufix, Boom and Boom et tout, c'était à la BAP que ça s'organisait beaucoup. Donc plutôt dans vraiment, plutôt petit comité, petite jauge, etc. Et puis j'imagine que soirée techno et tout, c'est des plus grosses jauges, il y a plus de monde. C'est quoi qui change dans l'organisation de soirées avec beaucoup, beaucoup plus de gens ou avec moins? Ah, ça change tout. Et peu importe qu'il y ait de la performance et de la pole ou pas, plus il y a du monde, plus ça risque de foirer, je pense. C'est le pari à faire. Et je, enfin, perso, ça ne m'intéresse pas d'aller en soirée avec 600 personnes. Enfin, j'y trouve rien de plus-value. Moi, ça me stresse d'être collée à des gens. J'aime avoir l'espace pour danser. Je suis sensible aux basculements, aux odeurs. J'ai pas envie d'être collée aux gens. Après, il y a des gens qui kiffent beaucoup aussi ça, donc tant mieux. Mais voilà, il y a plus de risques que les choses se passent mal, que les gens se sentent mal, qu'on ne le voit pas, enfin, qu'on ait besoin de beaucoup de gens pour encadrer tout ça. Et c'est vrai que toutes ces soirées que les collectifs organisent, les collectifs sont presque jamais payés. Les gens font ça gratuitement, par pur kiff. Au mieux, on arrive à payer les artistes, toi-même, tu sais. Au pire, on arrive à peine à payer les artistes et à rembourser le matériel qu'on a peut-être dépensé. En plus de ça, il faut avoir des volontaires qui sont souvent pas formés ou mal formés pour encadrer des personnes, des angels, qui souvent, voilà, font ça avec leur bonne volonté, mais n'ont pas forcément aussi les bons outils. Donc, plus il y a du monde, plus c'est compliqué. Donc, moi, je préfère les petites soirées. Mais ce qui est quand même chouette quand on organise une plus grande soirée, c'est qu'il y a un lieu, comme par exemple le Recyclard, où on a pu organiser Boom and Boom, qui participe avec un budget et aussi toute une technique, des régisseurs X, des techniciens, techniciennes, des personnes qui aident à l'accueil, de la sécu. Donc, c'est aussi ça l'avantage, peut-être, d'organiser des soirées plus grandes, d'avoir plus de soutien. Ah oui, c'est ça. Il y a un moment, on passe un certain cap où on peut quand même avoir des partenaires qui mettent de l'argent sur la table ou qui aident. Et du coup, que l'orga, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais organiser une soirée, en fait, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de réunions, de aller voir sur place, contacter des gens, gérer des line-up, des machins, des trucs. Et très, très, très souvent, dans nos milieux, c'est pas du tout payé. Ouais, donc autant faire petit et bien le faire, sachant quand même quand on le fait bien, il y a toujours des gens qui vont critiquer, qui vont râler. Alors certes, c'est bien, il faut être ouvert à la critique et au dialogue. Et puis si des choses se passent mal, s'il y a des abus, s'il y a des VSS par exemple en soirée, ce genre de choses, évidemment, il faut prendre responsabilité. Mais quand même, je dois dire aussi que je pense pas que c'est qu'à Bruxelles, mais les gens ont envie de profiter des soirées, ont envie d'aller à des soirées. Ils sont très vite à critiquer certaines choses sans jamais avoir eux-mêmes fait l'effort de s'investir dans un projet collectif ou associatif et de faire ce travail gratuitement et de savoir ce que ça représente. Donc, ouais, faites gaffe. Ouais, ça c'est bien, je pense, effectivement. Parce que c'est vrai que parfois il y a ce truc de juste voir ta frustration du moment, de se dire ah, mais j'aimerais bien que ce soit autrement, j'aimerais bien que machin, sans se rendre compte aussi que c'est des êtres humains qui, effectivement, ont bénévolement la plupart du temps mis tout leur cœur là-dedans. Mais j'avais fait un post il y a un moment déjà pour parler un petit peu de ça, et c'est vrai que c'est bien de toujours garder ça en tête. Et après, je trouve souvent. C'est chouette de faire des retours constructifs aux orgas après, d'envoyer un mail ou quoi, mais faut faire attention qu'on parle à des êtres humains qui ont beaucoup investi dedans et tout quoi. Mais du coup, si on reparle en tant que performeur, tu performes donc aussi dans des soirées comme ça où il y a une pôle au milieu de plein de gens qui dansent et tout. Est-ce que quand tu vas performer dans ce genre de cadre-là, tu te protèges entre guillemets d'une certaine manière, parce que j'imagine que tu es plutôt en face de personnes qui, en tout cas où il y a plus de risques que ces personnes soient sous influence de substances diverses, soit aussi dans un truc un peu désinhibant de la fête, etc. Ou est-ce que tu demandes qu'il y ait des personnes de l'orga qui encadrent pendant que toi tu es sur la pôle, ou comment ça se passe? Alors effectivement, c'est assez récent que je performe en nightlife, pole, go-go dancing, etc. Et oui, c'est complètement différent que d'être sur une scène qui est loin du public ou avec une délimitation où je reste sur scène, je vais interagir avec le public d'une façon différente. Moi, j'aime bien. Je pense que ce qui peut déjà aider, ce qui peut être plus fun, c'est d'être à plusieurs. Parce que c'est une Plusieurs grande performeurs, plusieurs performeuses, exactement ouais. ouais. Parce que c'est une grande charge d'animer un public qui est chaud, qui a bu et qui a envie de faire la fête et d'être tout seul surtout si c'est durant toute une nuit et qu'il faut faire plusieurs passages quoi. Donc c'est assez fatigant mais c'est très chouette. Je pense que tout va dépendre de l'orga et à quel point on a communiqué les besoins au départ d'avoir des loges, d'avoir de l'eau. D'avoir peut-être quelqu'un qui aide à escorter, parce qu'on est en talon, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il fait sombre, parce qu'il y a de la fumée. Et après, je pense que c'est un super challenge, parce que ça ne se passe jamais comme sur une belle scène propre, avec une belle barre, où il y a le rideau qui se tire, et puis bim, on est là. Souvent, c'est sur la musique qu'on ne connaît pas, il faut improviser. C'est de la musique souvent qui va très fort, pas forcément quelque chose que peut-être moi j'écouterais en cours ou sur lequel je créerais une chorégraphie. Et puis au final, avec les lumières, on ne va pas tellement voir les mouvements en détail. Peut-être qu'il y a des strobos. Donc ça va être de vraiment servir autre chose au public. Ouais, c'est tout terrain, quoi. Exactement. C'est tout terrain et ça permet d'être beaucoup plus libre, moins précis sur est-ce que je pointe mon pied, nini, enfin tous ces petits Ouais. détails. Peut-être très Ouais. compète justement, ben en fait on s'en fout complètement de ça en soirée. Et j'imagine aussi, parce que de ce que j'ai compris, c'est des passages beaucoup plus longs que des passages habituels de compète ou de performance en spectacle qui sont plutôt 2, 3, 4 minutes en pôle. Et donc il faut aussi gérer son énergie, parce que être 3 minutes suspendu à une pôle, en fait, c'est crevant. Et donc, si tu dois faire un passage de 10, 15, 20 minutes, il faut aussi doser les passages au sol, remonter sur la pôle, etc. Oui, exactement. Je pense que à la fois ça peut faire sortir de la zone de confort certaines personnes, à la fois ça peut complètement être l'élément de personnes qui préfèrent un peu plus le chaos et l'improvisation. Mais c'est vrai que si on est très rigide et qu'on a sa choré et son truc préparé, ça va probablement pas se passer comme ça. L'espace ne ressemble pas à ça. Et puis surtout, comme tu le dis, il faut garder l'énergie high pendant peut-être 15-20 minutes. On peut pas être sur la pôle constamment, faire des acrobaties, des dingueries, et ça marche pas. Donc il faut savoir les combos qu'on aime bien faire. Il faut avoir quelques petits tricks qui ne sont pas très compliqués, où on ne se blesse pas, mais qui ont un effet waouh. Par exemple, un drop sur les genoux, simple. Prendre de l'eau aussi sur la scène, s'hydrater, si on a le droit peut-être jouer avec l'eau, et puis surtout jouer avec le public. Parce qu'à la fin, c'est ça que les gens ils ont envie. Ils voient quelqu'un qui performe en soirée. Les gens ont envie enfin, les gens ont envie qu'il y ait des regards qui s'échangent, Ouais. des gestes, des sourires, De qu'on joue sentir ensemble, quoi. impliqué dans ce qui se passe, quoi. Exactement, Et oui. de pas juste avoir, comme on peut avoir plus envie dans un spectacle où le public est assis, Et une silencieux. performance qui est face à nous. Ouais. Et Ouais. super, super. Eh ben, ben, je pense qu'on peut faire une première pause musicale là, après cette première belle partie. Et alors, comme première piste, tu nous amènes un hommage à Miguelito de Baini Awangnato, je prononce bien. Yes, oui, plus ou moins. Ouais. Pour la petite histoire, c'est une des chansons préférées qu'on écoutait beaucoup au Bénin avec mon frère et ma sœur quand on y allait. C'est un hommage à son père que petit Miguelito chante pour son papa qui était aussi chanteur. Et ça me fait penser à mon papa qui est décédé il y a un an et demi. Et donc je me suis dit que ça sera une belle opportunité de l'inclure dans cette émission. Oh, bah c'est super. Eh bien, vous êtes sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles. On s'écoute Hommage à Miguelito et on revient juste après ça. Bonne écoute. Azoto we jengwa bueno wa mendenu manotro we denyito we jengwa bueno blo lobo nothing go wak modek me onano se we sudo yahu nothing go wak modek me binano pa we do kai kumbe me fiye miwa aki kulek me me bikaja uso hasun chenero da hoti mati bobi sego ete utu Ma tijere o homi anu kunu we Danu me po Ani utunu chenove ututu we Deye na blow Ona renu tu ekwele o Deye na ba Deye na blow Mame bina kwe wanu we o Deye na ba Deye na blow Mame de guma so na wase kbeto wele Deye na blow Mabik po na sik po na sa le le le Je continue de marcher Chaque jour je fais ma marche Je continue de marcher Quelles que soient les ondes Je ne peux pas laisser Quelles que soient les ro-ro-ro Je ne peux pas abandonner Mais les pac-pac-dos Allez-y chercher Mais les pac-pac-dos Cherchez, vous allez trouver Oh oh tout le monde crie, tout le monde cherche Oh oh on a cherché puisqu'on a trouvé Oh why on a creusé puisqu'on a trouvé Oh why Mais les jaloux ne veulent pas que je gagne mon pain Mais les ennemis ne veulent pas que je gagne mon pain Mido mido Oh why, mido mido, maru pere. Oh why, kolasiye. Eh ben, quel hommage à Miguelito. Vous êtes sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles. Merci de nous avoir fait découvrir ce beau morceau. C'est bon, j'avais très envie de remettre le micro pendant parce que tu chantais la moitié des paroles avec. On a raté ça. Oui. Alors, pour la deuxième partie, je voulais revenir sur une partie importante quand même de ton activité qui est un certain militantisme, on va dire, mais qui prend des chemins assez particuliers. Et notamment, ça fait un petit moment que au studio Jezebel. Très très beau studio que j'espère bientôt avoir en interview, on y travaille, tu organises des ateliers entre personnes racisées, entre personnes de couleur. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Qu'est-ce qui t'a mené à organiser ces ateliers-là? Yes, alors ce sont des moments de pole dance, de partage autour de la pole, pas à proprement parler un cours avec un certain programme, vraiment des moments de réunion autour de la pole entre personnes non blanches, donc personnes racisées, personnes asio-descendantes, afro-descendantes, latinx, toutes personnes non blanches en gros. où on se réunit une fois par mois pour faire de la pole. Il y a des gens qui font de la pole depuis très longtemps, d'autres qui viennent de commencer. Parfois, il y a le frère, la cousine, le partenaire de quelqu'un qui n'en a jamais fait qui vient aussi. Donc, on va dire la pole, c'est l'excuse de se réunir. D'accord. Ce n'est pas vraiment le premier objectif. Je pense qu'il y a d'autres cours techniques pour ça. Mais c'est vraiment de se retrouver dans un espace où, pour une fois, on n'est pas les seuls et on n'est pas la minorité. Parce que ça arrive souvent quand on fait partie d'une communauté marginalisée, qu'on soit la seule personne grosse dans la salle, qu'on soit la seule meuf trans dans la salle, qu'on soit le seul mec trans dans la salle, qu'on soit la seule personne noire, la seule personne asiatique, la seule personne qui porte le voile dans la salle. Et c'est pour changer un peu ce rapport-là, qui, en soi, n'est pas horrible, mais qui peut devenir un peu lourd à force de toujours être la minorité et de ne jamais se voir représenter, que ce soit dans les autres élèves ou dans les profs. Oui, et j'imagine que parfois, peut-être en arrivant là, on sent un poids se lever dont on n'avait peut-être pas conscience qu'on l'avait sur les épaules de... De ouf, de ouf. Effectivement, je suis entre guillemets le noir du cours. Ou... Exactement. Ça fait du bien de voir des corps qui nous ressemblent. Ça fait du bien de partager au début du cours la parole et de dire comment on va, comment on a vécu, je ne sais pas, ces dernières semaines de pôle, qu'est-ce que ça nous fait d'être dans cet espace. Et de se réapproprier la pôle qui, historiquement, vient du strip club et vient des danseuses et des strippeuses noires, latinas, dans beaucoup de meufs trans. Et de revenir à ça, parce que c'est vrai que quand on regarde sur Instagram, qui malheureusement reste un peu là où on trouve la plupart de contenus de pôle aujourd'hui, on n'y échappe pas. Si on curate pas son feed pour voir des personnalités, des personnes marginalisées, c'est que des meufs blanches, très minces, épilées de tête à pied. Qui ont rarement plus de 30 ans. Exactement, qui font de la pole majestueusement, magnifiquement bien. Et évidemment, ça ressemble pas du tout à la moyenne, à la moyenne, et encore moins aux personnes racisées. Ouais. Et donc, du coup, toi, là, tu as plus un rôle d'orga et d'encadrement. Mais sur place, en fait, c'est vraiment... Oui, c'est super libre. Donc, c'est vrai que en fait, non, je prépare rien. Je viens, on ramène des biscuits, on fait un petit cercle de paroles et puis on discute qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis parfois, il y a une personne qui dit « Ah, moi, j'aimerais bien revoir cette choré qu'on avait fait. » Quelqu'un d'autre va dire « Ah, moi, j'aimerais travailler l'inversion. Moi, j'ai envie de faire du spin. Bah, aujourd'hui, on va faire ça. » Et voilà, c'est pris libre. Super, donc, venez si vous avez envie. Et je pense que peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de mixité choisie, parce que c'est vrai que ça fait quelques années dans le milieu militant, c'est très connu, populaire, critiqué, débattu. Mais moi, j'aime bien donner l'exemple d'un cercle de parole, par exemple pour des personnes qui ont perdu quelqu'un à cause d'une maladie grave. Personne ne va être étonné que, par exemple, les parents qui ont perdu un enfant ou les enfants qui ont perdu un parent d'un cancer ont besoin de se réunir entre eux pour parler du deuil, pour parler de la souffrance, de la douleur, que quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose peut difficilement ressentir. L'idée, c'est pas de rester entre personnes qui ont perdu un proche et de former un club exclusif et de plus jamais fréquenter les autres, mais c'est de mieux pouvoir vivre, affronter la société de façon générale. Et c'est un peu l'idée des cours. Et de se libérer un peu parfois d'une espèce de curiosité ou de pouvoir répondre aux questions types que des personnes pas concernées vont poser systématiquement et ça va prendre beaucoup de place. Et ça C'est de se faire du bien à nous, mais aussi de pouvoir naviguer le monde blanc, raciste, dans lequel on est de façon plus confiante. Tu es aussi assez actif dans le soutien aux personnes TDS? Et d'ailleurs, comme tu le dis bien, et on l'a bien dit, notamment avec un épisode déjà avec la Morigasme qui abordait les liens entre pôle et TDS, la pôle vient du travail du sexe, n'en déplaise à une partie du milieu de la pôle en Belgique. Mais au-delà de ça, donc tu es dans... Enfin, pour toi, c'est important de soutenir les personnes travailleuses du sexe et de mettre en place des activités pour elle, à leur profit, etc. Oui, c'est la base. Je pense que ça doit être au centre de notre activité si on est actif dans le milieu de la pôle, que ce soit en tant que performeuse ou en tant que prof ou en tant qu'école de pôle. Et puis, pour toute personne lambda, je pense qu'il n'y a pas une communauté qui mérite d'être plus protégée qu'une autre. Mais quand on protège les plus démunis, entre guillemets, on protège tout le monde. Cela vaut pour... les femmes trans et la lutte antisexiste, cela vaut pour les personnes noires dans la lutte antiraciste, les travailleuses du sexe dans la lutte féministe, les personnes sans-abri dans la lutte anticapitaliste, les personnes sans-papiers dans la lutte anticapitaliste, antiraciste et de façon générale. Donc en commençant par les personnes qui sont au plus bas, on va dire, de l'échelle sociétale, en s'intéressant à eux, on va faire du bien à tout le monde. Et la Belgique a bien et belle prouvé cet exemple, cette chose-là avec la légalisation complète du travail du sexe, l'inscription du travail du sexe dans la loi. On peut exercer ce métier, on peut être indépendant, on peut ouvrir un compte en banque, on peut louer un local, on peut s'auto-organiser et se gérer un local ensemble. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Le deuxième pays après la Nouvelle-Zélande. Et même si je pense que sur le terrain, pour les travailleuses du sexe les plus marginalisées, donc celles qui ne parlent pas forcément les langues de la Belgique, celles qui n'ont pas de papier, ça ne change peut-être pas forcément grand-chose encore. La porte est ouverte. Oui, c'est déjà au moins un sacré bon pas dans la bonne direction, entre guillemets. Exactement. Mmh. Est-ce que, parce que du coup, donc moi je t'ai vu performer quelques fois, est-ce que toi tu définis ton art comme engagé ? Ah, moi, j'ai vraiment du mal avec ça. pas parce que j'aime pas, mais c'est comme dire, est-ce que je suis militant, militante ? Est-ce que je suis activiste ? Est-ce que je suis artiste même ? Ça veut tellement rien dire, j'ai l'impression. C'est être artiste, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde peut être artiste. Est-ce que ça veut dire avoir le statut d'artiste ? Est-ce que ça veut dire faire de l'argent avec ses performances ? Est-ce que ça veut dire gagner de l'argent avec ? Il y a des personnes qui sont artistes qui n'ont remplissent aucune des catégories. Et il y en a qui ne sont pas artistes, qui remplissent les trois. Mmh. Pareil pour l'art engagé. Il y a des gens qui vont dire que leur art est engagé. Pour moi, ça ne veut plus rien dire. D'autres qui ne vont pas forcément dire que c'est de l'art engagé. Et c'est de l'art engagé. Je pense que, en tout cas, comme je suis et comme je vis ma vie, je ne peux pas le séparer de la politique. Je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est juste que je suis conscient du fait que mes choix sont politiques, l'intime est politique, ce que je mange, ce que je fais, ce que je vais dire en public, ce que je représente, les personnes que je visibilise, tout ça, ça a son importance et que ça serait un peu con de ne pas le saucer, de ne pas l'exploiter, de ne pas le faire, quoi. Ouais. Mmh. Super. Alors pour revenir du coup à ta pratique artistique, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais en fait à la base tu fais du slam. Oui. Et d'ailleurs, tes premières performances, c'était en slam, notamment à Feu le Cablab, dont moi, je croise toujours un petit peu les doigts qui renaissent de ses cendres, mais qui était une très, très belle scène qui avait lieu notamment au boxon de la BAP. Donc récemment, on a performé ensemble à une soirée autour du podcast Non-Binaire de Flo Delval, que je vous invite d'ailleurs très fort à écouter. C'est des très beaux portraits de personnes non-binaires. Tu as fait un passage dedans où, alors pour en parler brièvement avec mes mots, déjà, on entendait ta voix qui parlait en anglais et qui nous posait beaucoup de questions, du style est-ce que j'ai pas le droit pendant une seconde d'être non-binaire, est-ce que j'ai pas le droit pendant une seconde d'être trans, d'être moi-même, d'être sexy, d'être en fait tout ce que je veux. Il y avait un gros truc d'autodétermination. Et puis je trouvais que sur scène, il y avait aussi quelque chose où, donc tu venais danser et te dénuder petit à petit, etc. Mais il y avait quelque chose qui était très très simple, très doux et qui, je trouvais, en fait, déconstruisait très fort un narratif qu'on a souvent dans les performances où on va vers une espèce de climax. J'ai lu plusieurs critiques qui disent en fait c'est du coup assez patriarcal comme truc parce que c'est presque comme si on allait vers une espèce d'éjaculation de la performance et qu'on faisait d'abord les préliminaires et puis qu'il y avait l'acte sexuel en lui-même jusqu'à l'éjaculation. Et donc ça nous ramène à une image très, très, très patriarcale. Est-ce que t'as pensé tout ça dans tes performances ? Comment tu crées tes performances en rapport avec tout ça ? Ou est-ce que t'as pas du tout l'analyse que je viens de mettre et toi juste tu te lances et ça fait ça ? Non, c'est une très bonne question. Alors peut-être ce qui va aider un peu à comprendre mon processus artistique, c'est que je n'ai pas fait d'école d'art, je n'ai pas fait de formation artistique quelconque, je n'ai pas fait des concours et trucs de danse et je n'avais pas beaucoup de culture de l'art contemporain queer, en tout cas jusqu'à mes 21 ans, 22 ans, jusqu'à ce que moi-même je fasse la démarche de découvrir. À part on allait vite fait au théâtre avec l'école secondaire et j'écoutais beaucoup de musique via mes parents, mais ça s'arrêtait là. Donc Oui, je pense que peut-être comparé à quelqu'un qui a fait des études en performance ou des études en danse, il y a déjà, enfin, ils ont plus de bagages pour réfléchir à comment construire leur performance. Moi, je peux vraiment juste dire que c'est intuitif, que je sors ce que j'ai dans mon petit sac qui est très petit. Et aussi que je ne suis pas un grand talent de make-up, par exemple. J'adore les cyno, j'adore les make-up, mais je ne sais pas en faire, j'ai la flemme. Et pour tout ce qui est outils, costumes extravagants sur scène, pareil, je n'ai pas la patience d'apprendre à coudre. J'ai plein d'idées, mais je vais rester dans un truc assez sobre et simple pour pas me casser la tête. Et c'est là que je me sens le plus à l'aise. Du coup, ben, une fois qu'on enlève un grand costume et un make-up très impressionnant, faut meubler ailleurs et il faut soigner alors je pense tout le reste de la performance. C'est peut-être pour ça que c'est un peu puriste et minimaliste entre guillemets. Après aussi j'ai développé un peu une obsession pour la lenteur dans toutes ses composantes, que ce soit dans la danse, dans la vie de tous les jours. C'est peut-être mon petite approche yogi aussi qui m'amène là de ralentir pour prendre le temps, de voir le mouvement, de raconter ce que j'ai envie de raconter avec mon corps, avec mes mots. Rien contre une performance très rapide, mais même quand ça va vite, j'ai envie que ce soit intense et précis. Voilà. Super, super. Et puis bah, en fait, alors donc moi j'ai fait moi-même une école d'art et en fait ça nous enferme aussi dans une manière d'envisager les choses et dans une manière de créer que moi j'ai pas mal déconstruit, notamment en rencontrant les scènes queer et en me rendant compte de qu'est-ce que moi j'avais envie de faire et que ça. Donc c'est super aussi d'avoir des personnes qui n'ont pas du tout de formation mais qui se lancent quoi. Et du coup parce que donc pour revenir sur le slam qui est du coup en tout cas un peu le premier art que tu as performé en public que tu t'es senti de performer en public. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre la parole? Est-ce que c'était vraiment un besoin de dire des choses précises? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit je vais monter sur scène avec ça? Bah alors, en tant qu'enfant, clairement, je pensais que j'étais spéciale, extraordinaire. Qu'il fallait juste que je me réveille, que j'allais enfin avoir les pouvoirs magiques dont je rêvais ou le super talent. Donc, je pense que comme beaucoup d'enfants, d'ados, j'avais l'impression que j'étais extraordinaire et que quelque chose devait se passer pour enfin que je sorte en fait de ma cloche. Puis bon, en fait, c'était juste gros problème de confiance, problème de santé mentale. Estime de soi, etc. Donc j'ai fait beaucoup de thérapie. Voilà, j'ai trouvé mes outils de guérison et le rêve en tout cas d'éclore et d'être moi-même, bah, il est toujours là et en étant sur scène, quand ça se passe bien, je peux avoir accès à moi, à mon essence, que j'ai du mal à trouver peut-être dans mon quotidien parce que je dissocie beaucoup, parce que je me pose beaucoup de questions, parce que je suis un peu perdue. Et donc, c'est vraiment ça. Je suis pas non plus de l'école où je dis, ah, être sur scène, c'est ma thérapie. Non, j'ai aussi des thérapeutes que je paye pour ça. Donc, il y a aussi du fun, il y a aussi un désir d'être vu, le désir aussi de l'attention, le désir de créer. Mais ça me fait du bien, surtout. Et ça fait du sens. Et en tout cas, j'écrivais beaucoup à l'époque, je le fais toujours. Ça a clairement aussi sauvé à ma santé mentale d'écrire tous les jours dans mon cahier comment je me sens, d'identifier mes émotions, les points positifs, les points négatifs. Et j'ai commencé à écrire des petits poèmes, blablabla. Et j'ai découvert la scène slam. Il y avait beaucoup de. Enfin, ça existe toujours beaucoup à Bruxelles. Et voilà, j'ai fait quelques petits textes par-ci par-là. Et je me suis vite dit, ah, c'est trop chouette de parler, mais j'aimerais avoir un beau costume. Ah, j'aimerais avoir des lights. Ah, j'aimerais peut-être danser, peut-être que j'aimerais faire le texte sur de la musique. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai peut-être tenté de performer avec de la musique en background. J'ai rajouté des petits costumes, mais je ne me sentais pas encore à l'aise de danser comme ça sur scène. Je ne savais pas quoi faire de mon corps. J'ai commencé la pole, j'ai fait ma formation de yoga et puis j'ai pu faire Stage Kitten au Cab Lab et faire un petit numéro de pole. Et je me suis dit, ah, c'est trop bien, j'en veux plus. Super. Alors peut-être pour clôturer cette deuxième partie. Bon, c'est une question que je pose régulièrement, mais j'ai envie de te la poser à toi aussi. Comment tu gères ben, le fait d'être une personne racisée et une personne queer dans ton approche de la scène, tout ce qui risque de tokenisation, c'est-à-dire on t'engage pour avoir le quota de personnes queer, de personnes trans, de personnes racisées, etc. C'est quoi ton approche de cette problématique-là ou de ces questions-là. Je pense que c'est difficile en tout cas d'en parler sans moi-même me positionner sur le spectre en tant que personne minorisée, parce que bon, il n'y a pas que du blond et du noir, il y a beaucoup de zones grises, et dans le spectre des personnes marginalisées, je fais quand même partie d'une population plutôt privilégiée parmi les sous-privilégiés. Mmh. Je suis métisse, je suis light skin, j'ai un pretty privilege, je n'ai pas, ça ne se lit pas sur mon front, comme diraient les transphobes, que je suis une personne non-binaire. Je peux switcher facilement de mon expression de genre. J'ai du background culturel, j'ai un bachelier, j'ai un master, j'ai le statut d'artiste, j'ai des privilèges financiers, j'ai une nationalité européenne. Donc j'ai plein de choses qui me permettent de l'expérience aussi, beaucoup, quand même. Donc j'ai toutes ces choses-là qui me permettent de pouvoir dire non, oui, à des opportunités professionnelles et de pouvoir refuser. Voilà. Je pense que quand on a peut-être pas tout ça, ou moins, ou quand on est dans une situation différente, la question se pose moins de est-ce qu'on a envie d'être tokenisé ou pas. Si ça paye, faites-vous tokeniser. Vraiment, allez-y. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre, un autre token, le fera à votre place. Autant prendre l'argent. En même temps, j'espère qu'on puisse nous payer et nous récompenser à notre juste valeur. Et pour ça, bah, en plus de l'expérience, il faut aussi du leverage pour pouvoir négocier, pour pouvoir se permettre de dire, ah ben, si vous ne me payez pas plus, eh ben, malheureusement, je ne pourrai pas le faire. Peut-être que quelqu'un d'autre le fera. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mmh. Avec le gouvernement, les dernières mesures sur le statut d'artiste, etc., qui est de plus en plus difficile à obtenir, bah, c'est compliqué. Donc moi, je dis à mes adelphes, take what you want to take, mais apprenez à négocier et à avoir plus. Ouais, et c'est intéressant de se dire aussi que le statut d'artiste a cet avantage pour nous qui nous met dans une position moins précaire où on a moins besoin de tout accepter. Tout à fait. Et on peut un peu plus mettre nos conditions et se permettre de refuser des gigs. Mais en tout cas, il y a une question de valeur aussi. Je ne vais pas aller dans un endroit où je ne me sens pas la bienvenue, les bienvenus, où mes adeptes ne seront pas les bienvenus, où les valeurs ne vont pas. Je n'ai même pas d'exemple à citer parce que j'ai rien je pense à rien de spécial maintenant, mais voilà. Yes. Eh bien, je te propose de faire une deuxième pause musicale et tu nous amènes un titre en allemand qui va, je pense, bien changer de l'hommage à Miguelito qu'on a entendu en première partie. C'est Lecker de Chiara Baba. Yes. On va écouter ça. Vous êtes sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles. Je vous laisse avec Lecker et on se retrouve juste après ça. Chiara Baba Ewa. Taste and paper, das schmeckt lecker. Bruder, meine Nase, aber nicht mit Make-up. Ganz besoffen vor dem Spiegel zu Umbrella. Ewa, Casting King, Taste and paper, das schmeckt lecker. Bruder, meine Nase, aber nicht mit Make-up. Ganz besoffen vor dem Spiegel zu Umbrella. Ewa, ganz in Schlampen, sind am Blasen. Wenn ich vorfahr mit krassen Wagen, Daimler Coupé, du kannst mich sehen. Chiara, nimm alles mit, Hauptsache Party. Er will mit mir Familie, aber gib mir Koks. Ich schieß hoch, ganz nach oben wie Penthouse Wohnung. Hängst mit hessischen ab, damit du bisschen schatz. Aber kann dir sagen, kleine Schlampe, du schatz wie Rala. Hab es euch gesagt, ich will nach oben, ich will Gott erzählen. Hab schon so viel erlebt, muss mich zurücklehnen. Bisschen Sonnen, Schaumparty, mach hin, Shampoos, Flatschen, gib mir Bassin, Schlampen, wollen so sein wie ich, kopiere meinen Flow, hier belege ich meinen Pitch, verliere nie Gesicht, aber ist nicht mein Problem, wenn ich will, fick ich heute noch deinen Peace Pitch, Haze ins Paper, das schmeckt lecker, Bruder meine Nase, aber nicht mit Make-up, ganz besoffen vor dem Spiegel zu Umbrella, Ewa, Spiegel zu Umbrella, Ewa, Kassen klingen. Hache, hache, dein Typ, der versteckt dich. Meiner preppt mir, als wär ich ein Trophäe. AMG, du siehst, fegen die Blitz hin. Schnelles Leben konsumieren, lass Zeit fliegen. Du kannst sehen, ich hab miesen Schaden. Reden zu viel, ich muss ficken. Ah, ich komm noch vorbei, Sei dir da mal sicher, hi, ham. So viel weiß, Bitches, Knie werden richtig weich. Deine Frau weint, macht heim die Selbstbefriedigung. 10 Jahre mit dir, sie kennt keinen Orgasmus. VIP, Kiara, Baba, ich schaue mich hoch. Schlampen wissen, ich geh hoch. Schlampen wissen, ich geh hoch. Ich geh hoch. Dein Vorbild, wer bist du? Sag mal so, kannst dich schöpfen, Jani, mach mal deinen zu. Ich brauch kein Dexter, ich mache das auch besser. Haze in meinem Paper, das schmeckt lecker. Haze ins Paper, das schmeckt lecker. Puder meine Nase, aber nicht mit Make-up. Ganz besoffen vor dem Spiegel zu Umbrella. Ewa, eh? Kaffee klingen. Haze ins Paper, das schmeckt lecker. Puder meine Nase, aber nicht mit Make-up. Ganz besoffen vor dem Spiegel zu Umbrella. Excellent, lecker. merci de nous amener ce titre donc dans un autre style que le premier, mais qui te correspond tout autant. Et ça nous permet de faire une transition formidable vers une pièce de danse à laquelle tu as participé, qui a joué notamment à la Balsamine, donc dans quand même une institution culturelle très très reconnue des circuits officiels, qui s'appelait Hardcore. Qu'est-ce que c'était de participer à un projet comme ça? C'était la première fois que tu participais à un projet institutionnalisé, on va dire? C'était super. C'était un peu un petit rêve qui se réalisait parce que ben, peut-être tu l'as sous-entendu qu'il y a une petite frustration de ne pas avoir fait d'école d'art, de ne pas avoir eu, on va dire, le courage à cette époque de faire les choix que j'avais envie de faire et d'avoir fait des études super nazes. Du coup, oui, de tester, de rentrer dans ce monde de la danse contemporain, du théâtre, c'était super cool. J'ai pu voir moi-même beaucoup de pièces et j'ai pu déjà infiltrer quelques institutions, mais c'était toujours dans des conditions de cabaret ou ce genre de trucs, ça restait assez alternatif. Et ce qui était très chouette dans cette pièce, c'est que j'ai pu faire de la pole, mais pas que. Donc il y a toute une... Enfin, c'est une pièce collective, on est 4 danseuses et chacune a amené sa pratique hardcore dans la pièce. Et donc ma pratique, c'était entre autres la pole. Donc ça, c'était super cool de travailler avec que des personnes LGBT en plus. Shout out à Alban qui est la chorégraphe et qui a vraiment accueilli la pole les bras ouverts et qui m'a donné complètement carte blanche pour créer cette partie de pole en plus de la partie collective qu'on a donc tous en commun. Donc c'était super chouette, super enrichissant. Et super dur aussi. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce que ça avait de dur? Physiquement, quand même. Je pensais que j'avais une bonne condition physique, mais c'est quand même autre chose d'être danseur professionnel, contemporain, on va dire, et de faire des journées de répétition sur une période étendue et des journées de représentation. Ah oui, tous les jours. Ah ouais, c'était vraiment hardcore. c'était challenging. J'ai beaucoup aimé, mais je me suis dit... Cette pièce-là, c'était la bonne, c'était les bonnes personnes, le bon moment. J'avais le temps aussi de la faire, parce que si tu travailles à 19h, 38h, c'est mort, tu ne peux pas faire ce genre de truc en même temps. Et puis, je me suis dit aussi, je préfère quand même donner cours et performer de temps en temps, parce que, en fait, c'est super fatigant et c'est super répétitif aussi. De façon générale, je pense, le monde de la danse contemporaine. Et puis, c'est assez précaire quand même, parce que, bon, là, heureusement, on a été très bien payés. Alban nous a vraiment négocié... une bonne paye, etc. Mais j'imagine que quand on n'est que danseur contemporain aussi, ne pas savoir en fait si la pièce va être reproduite l'année prochaine dans un autre endroit, peut-être être recontacté 3 ans plus tard pour refaire une pièce qu'on a oubliée complètement. Je pense que c'est la même chose pour les comédiens, comédiennes comme toi. Je ne connaissais rien à ce monde et je me suis dit, waouh, c'est quand même instable. Ouais. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est aussi un monde où en fait, tu alternes plus des phases de plein et des phases de vide. J'ai l'impression que dans le monde de la pédagogie et des shows queer et tout, comme c'est beaucoup plus à court terme, t'as toujours un peu quelque chose. T'as rarement un mois où t'as vraiment rien du tout, quoi. Alors que parfois, en tant que effectivement comédien-comédienne, des fois pendant des mois, il n'y a rien du tout. Et puis après, pendant 3 mois, t'es full non-stop, tu t'éclates et tout. Ouais. Super. Et c'était comment de rencontrer le public de la Balsa aussi avec la Balsamine? C'est un lieu qui est catégorisé quand même un petit peu un télo expérimental, c'est quand même un petit peu une élite culturelle blanche qui y va très majoritairement et tout ça. Est-ce que tu as senti que tu les étonnais ou que tu les surprenais ou que... Franchement, j'en sais rien parce que tellement on est stressé sur le plateau que je vois à peine les visages des gens. Après, oui, je les ai beaucoup regardés. Il y avait pas mal d'amis. Le public était super. On a même eu un soir des adolescents, une école. Cool. Et ça, c'était assez. C'était le meilleur soir en fait quand il y avait des ados parce qu'ils étaient vraiment en mode What the fuck? Parce que c'est quand même chelou. Je pense qu'ils ont kiffé. Et en fait, c'était super parce que la Balsamine est un super chouette endroit et que l'équipe est très ouverte, très accueillante, qu'il y a des personnes LGBT, trans, racisées dans l'équipe. Donc, c'est pas que des personnes qui ouvrent leurs portes pour d'autres qui sont différents. Non, en fait, ils sont comme nous aussi. Et ouais, c'est cool. Ouais, je conseille. Super. Eh ben, si on dézoome un petit peu, comment toi tu vois ton avenir artistique dans ce merveilleux monde qui est le nôtre. Est-ce que, parce que du coup, bah oui, tu as dit qu'a priori, en tout cas tout de suite, refaire un gros projet institutionnel, ça t'intéresse pas forcément, que tu étais bien dans ton rythme, bah, de nouveau plus lent, de donner des cours, performer à gauche, à droite, etc. Toi, tu as vraiment envie de continuer là-dedans? En tout cas, oui, pour le moment, j'avoue, j'ai du mal à me projeter. C'est difficile, comme tu le dis, dans ce monde. Qui sait de quoi sera fait demain? Est-ce qu'il y aura une guerre mondiale? Est-ce qu'il y aura un autre génocide ailleurs qui va faire qu'on on ne peut plus continuer comme on le fait? Est-ce que notre économie va nous permettre de continuer comme on le fait maintenant? J'en sais rien. Et c'est vrai que ça fait peur, pas à plein de niveaux. En tout cas, pour le moment, j'ai envie de continuer comme ça. Et je me rends compte que ce que j'aime, c'est l'humain. Et puis, c'est toujours ironique, les personnes neurodivergentes, souvent, on leur dit que voilà, on a des capacités sociales peut-être moindres ou bizarres ou je sais pas quoi. Alors que c'est complexe. Moi, j'adore être avec mes élèves. Je suis constamment, en fait, dans le contact. Je parle à des gens. J'ai envie de les voir évoluer. J'ai envie d'échanger. Et en même temps, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'être seule, je n'aime pas tellement sortir et être avec plein de monde, j'aime pas le small talk. J'ai l'impression qu'en tout cas, j'ai le privilège de trouver d'avoir trouvé un bon milieu avec les cours, les performances, le TDS, etc. Donc pour le moment, ça me plaît et je reste ouvert aux opportunités et aux offres et aux choses qui vont s'offrir à moi. Sans mettre trop d'attentes, parce que je pense qu'il y a aussi, oui, quand même une logique très classique, linéaire, même dans le milieu de la poule, de la performance, de faire des plus grands théâtres, d'aller tourner, de performer à l'étranger, de donner des workshops, d'organiser des retraites. Et en fait, non. Enfin, si ça s'offre à moi et que les personnes sont chouettes et que l'environnement est chouette, que tout a du sens, pourquoi pas? Mais je n'ai pas une to-do list avec des trucs que j'ai envie de faire en Oui, c'est ça. 2026, quoi. T'as pas de goal pour ta carrière à Non. développer absolument. Non, malheureusement, grand désarroi Non, de non, mais certains c'est membres familiaux, super. j'en ai pas. Mais c'est vrai que j'ai quelques souhaits pour notre communauté de performeuses. Peut-être que je peux Ouais, partager. ça peut être une très belle manière de conclure, ouais. Ouais, ben, je pense que pour notre communauté de pôle heureuse à Bruxelles, en Belgique, j'ai envie de dire, on peut vraiment être fier de nous. On est un si petit pays, une si petite ville et on fait quand même des choses, je pense, radicales, révolutionnaires, extraordinaires. Donc ça, déjà, c'est très cool. Continuons à les faire vivre. Créons les choses aussi qui n'existent pas. Si on a l'impression que ben, il n'y a pas tel type d'événement, que nous, on ne se sent pas bien là, qu'on ne se sent pas les bienvenus là, qu'on ne se sent pas représentés de cette façon-là, ben, faites-le. Faites-le et si vous ne savez pas comment faire, demandez des conseils à des personnes qui ont fait. Et en même temps aussi, n'oublions pas les autres, quoi. Ça ne doit pas forcément être un choix. Est-ce qu'on va organiser une soirée de pôle ou est-ce qu'on va faire une soirée de soutien aux victimes de violences policières? Non, on peut allier les deux. On a besoin de créer des alliances, enfin, de pratiquer l'intersectionnalité. Pourquoi pas reverser une partie des subsides à une telle cause? Pourquoi pas inviter un collectif qui n'a peut-être rien à voir parce que c'est une commémoration, parce que c'est malheureusement le jour de décès de telle ou telle personne et de créer du lien. Et évidemment, dans le milieu de la pôle aussi, donnant la place aux travailleuses du sexe et aux strippeuses. Soyons conscients, conscientes d'où on vient, vers où on va. Faisons gaffe dans les mots qu'on utilise On va éviter l'exotisation, éviter la putophobie. Et quand on peut, ne pas imiter le métier des personnes, des travailleuses du sexe, des strippeuses, quand on l'est pas. Parce que, surtout les strippeurs en Belgique, en Europe, ça reste un métier sous-payé, marginalisé, avec des horaires de bâtard, avec une mauvaise paye, avec des conditions très rudes, un environnement de travail assez dur, qui n'a rien à voir avec nos soirées queer alternatives où on peut faire des lap dance et jeter des faux billets. C'est fun aussi, mais ça n'a rien à voir. Et c'est important d'être conscient de ça et aussi de transmettre ce message et surtout de distribuer l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui est important. Si on est artiste, quand on peut se permettre de faire des performances sexy et de faire ci et cela, pourquoi pas utiliser une partie de cet argent pour peut-être inviter les personnes concernées, les inviter à donner des workshops, les inviter à donner des cours, les inviter à performer en soirée, au lieu d'inviter constamment les mêmes personnes qui sont peut-être déjà très visibles et qui ont 40 000 autres opportunités de performance parce qu'elles sont queer, parce qu'elles sont racisées, parce qu'elles sont actives dans tel ou tel collectif. Ouais. Eh ben, merci pour ce beau mot de la fin. Merci beaucoup à toi. Avant de te laisser partir, quelques petites questions rituelles que je pose à tout le monde. Sans la pole, le slam et tous ces arts du cabaret que tu pratiques, tu serais devenue quoi ? Tu serais devenue qui ? Je voulais devenir hôtesse de l'air, agent secret, pute. Ça, c'était mes métiers de rêve quand j'étais enfant. Donc peut-être je serais devenue ça, peut-être écrivain, écrivaine, j'adore la pâtisserie. Donc, Ok, donc tu avais pas mal de plans de rechange en vrai. Ouais, c'est les Sagittaires, on a toujours plein de projets. Si tu as tout le budget du monde pour un show, tu fais quoi ? Oh, j'aurais dû les lire avant ces questions, elles sont dures. Oh, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse. Ok. Ouais. C'est aussi une réponse de dire, je commence par réfléchir à ce que je veux organiser. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi ? Oui, constamment. Je ne sais pas si je suis particulièrement à l'écoute de mon corps. J'ai l'impression que je suis beaucoup dans le déni aussi, mais j'ai un corps valide, j'ai un corps en bonne santé. Et en tout cas, mon corps me permet beaucoup d'aller mieux, d'aller bien, de prendre soin de ma santé mentale. Je vais mieux parce que je me sens bien dans mon corps. Et je fais des choses avec mon corps qui m'aident à me sentir mieux dans ma tête. Donc l'alliance, elle est là, oui. Super. Plutôt freaks ou plutôt merveilles ? Plutôt freak. Ah oui ? Pourquoi freak ? Si tu veux élaborer. Je ne sais pas trop qu'est-ce que j'imagine par merveille. Je pense aux merveilleux qui sont les petites pâtisseries qu'on vend à Bruxelles. que j'aime pas trop. Oupsie. Je me suis dit freaks. Très bien, parce que tu n'es pas un merveilleux. Exactement. Bien, merci beaucoup d'être passé, c'était trop chouette de t'avoir. Merci à toi, Croc. Et puis, à très bientôt et vive BC et vive tout ce que tu représentes et tout ce dans quoi tu t'engages. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Freaks et Merveilles. Dans 2 semaines, on part pour un heptathlon cabaretique entre burlesque, chair dance, éventail, danse, lip-sync, couture, broderie, parce qu'on reçoit l'envoûtante Mélusine Beau Séjour. Et d'ici là, il y a plein d'autres épisodes à écouter ou réécouter. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, enregistrée, montée et diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Elle est propulsée par Murmure SBL et diffusée un samedi sur deux sur Radio Panique. Merci à elle. Et n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène.